Situation 2. J'ai appris à 50 ans que j'étais une enfant adoptée. Activité 1, page 87. Écoutez cet enregistrement d'une émission de radio.